Boum boum boum. Boum boum boum. Musique française. Des années 60 à 80. Boum boum boum, musique française curieuse tous les mercredis soirs de 22h à 23h sur Prune 92 FM. Ce soir, nous recevons Maxime, a.k.a. Moi je suis un popeux, l'un des contributeurs nantais du super blog Le Folk Français N'Existe Pas, un site qui répertorie et qui chronique des disques de folk français, ou plutôt des disques des folk français. Car c'est un peu délicat de parler de musique folk au singulier, folk étant un terme un peu fourre-tout qui regroupe beaucoup d'esthétiques musicales différentes, à commencer par le folk, disons, américain, le folk à la Bob Dylan, avec une guitare, un harmonica et une voix. Mais le folk peut aussi décrire, et vous allez voir que ça n'a pas grand-chose à voir avec Bob Dylan, les musiques folkloriques traditionnelles d'à peu près toutes les régions du monde, à commencer évidemment par les régions les plus proches de chez nous, la Bretagne, la Vendée, l'Anjou, l'Occitanie, l'Alsace et bien d'autres. Ce sont précisément ces esthétiques trop peu défendues qu'essaye de mettre en valeur le blog Le Folk Français N'Existe Pas, qui a donc missionné l'un de ses contributeurs, Maxime, c'est un Nantais, moi je suis un popeux, c'est son blaze, pour une heure de voyage entre les artistes des années 70 et d'autres beaucoup plus contemporains. Une sélection douce et hypnotique qui fait évidemment la part belle aux langues régionales, aux instruments traditionnels et aux légendes d'un autre âge. Le folk français n'existe pas, vive les folk français. Oh. rituel, ton masque femme, son quotidien, mon sourire cassé chez les monstres frappés de civilisation. Rituel, ton masque femme, son quotidien, mon sourire cassé chez les monstres frappés de civilisation. D'être riche t'en ficha dans l'ouvain et cupicia nos étivas à l'ado et joue la grande à coup nos miennes et bénégies le pauvre et enzonnuet une aven l'oubundi ma l'oubundi est mort et dégune un choret ma yo-yo qu'est perdu ma maille le premier chez. Chez nous des légers d'arruyers, chez nous des légers d'arruyers. Coquette t'y crache ou me piche sa misère, capudia l'oumalure, ma cochentia la terre, la filia des bonlots, nourrition l'eau bourzée. Qui des mars sont des vies, des bras coups des curés. Yo goula vos roucheux, yo goula vos dopeux. Ma goula per goula, goula vos plein à peu. Chez nous des légers, d'arruyers. Chez nous des légers, d'arruyers. C'est vingu peu d'un pays, ma père qui t'en frousa, Louvillas et piti, purida la buena, lo monde chun sahi, o mitan de l'alle, yo chei lo fido vin, yo ke n'ai pas de be, ma lo vendi qui ten, après bien de l'aimé, o buffo cumunau, e que chun dare dre. Chez nous des légers d'arruillés, chez nous des légers d'arruillés. Dit que pas y créba, pem piti père créda, qu'au café n'a chourda, nous m'a fait bargacha, l'eau vieille sur le balai, les y chen le choulet. Non pure à conta, oh ben non pu d'aller. Des malures pio pichou, j'ai cru viron de terre, l'eau c'est mes apparents, et malico ma chère. Chez loup de léger, d'arruillé, chez loup de léger, d'arruillé. À la brusa d'un chino, figlio de biliado, mes premiers chazara, en n'attendra ni plado, noyé chez merorio, chez curé chez parem, boire notre vita, di une lincha au devin, si de ma vetra tuo, figlio chen chironado, ma si pugno de mo, pugno robellonnado. Chez loup de léger, d'arruillé, chez loup de léger, d'arruillé. Ma fenno y creba dans l'anno, yo malope, ma non peut au bravo, chez choule coumengre. Et yo zugue d'opé, dit le grand cementeri, ma fenno est crebado, ma fenno est bourri. La vieille canconen, d'arri moitié ta morte, louché comme pur oreille, vendront à pleine porte. Chez loup de léger, d'arruillé, d'arruillé. Chez loup des légers d'arruillés. Chez mort, on m'a fait chou, et m'a dit des choulets. Et près ma malina, mon pur a dit moué. Et près mon souvenir, l'oppe de ma puta. Et chez gueule la chalet, au plein de la route. La flore manque une aiguë du ciel ou des légers, que la vieille aboutin sur l'urlingue louchée. N'y a plus peine des légers, arruillé, arruillé, vieille anin crébaron, arruillé, arruillé. Alors vous partirez. nous n'étions qu'un quart d'heure ensemble, quand l'alouette se mit à chanter. Alouette, maudite alouette, tu m'as trahi. Si l'amour portait des racines, j'en planterai dans mon jardin, oui, dans mon jardin. J'en planterai dans mon jardin aux quatre coins. J'en donne à ceux qui n'en ont point. J'en planterai dans mon jardin aux quatre coins. J'en donnerai aux amoureux, à ceux qui n'en ont thank you. Las guyatos de Cleirat, catúlicos por payolo, las guyatos de Cleirat, sabun trubar us guyat, nau per nau van a la danza, lucre l'urfaira poto, nau per nau se van danza, lupas tunetor lunas, las guyatos de Cleirat, catúlicos por payolo, las guyatos de Cleirat, sabun trubar us guyat, wey per wey van a la danza, lucre l'urfaira poto, wey per wey se van danza, lupa tu netor lunas. Las guyatos de Cleirat, catúlicos farfalloro, las guyatos de Cleirat, sabon trubar us guyat, si es van a la danza, lucre l'urfaira poto, si es en van danza, lupas tu netor lunas, las guyatos de Cleirat, catúlicos farfalloro, las guyatos de Cleirat, sabon trubar us guyat, sin persin van a la danza, lupas tu l'urfaira poto, sin persin se en van danza, lupas un estor lunas. Las guyatos de Cleirat, catúlicos farfalloro, las guyatos de Cleirat, sabun trubar us guyat, tres per tres van a la danza, lucre l'urfaira poto, tres per tres en van danza, lupas tu netor lunas, las guyatos de Cleirat, catúlicos farfalloro, las guyatos de Cleirat, sabun trubar us guyat, dios per dios van a la danza, lucre l'urfaira poto, dios per dios en van danza, lupas tu netor lunas, las guyatos de Cleirat, catúlicos farfalloro, las guyatos de Cleirat, sabun trubar us guyat, vino a vino van a la danza, lucre l'urfaira poto, vino a vino se van danza, lupas tu netor lunas, las guyatos de Cleirat. première acide. Ma tête est dans le plat et mon cœur aux chevilles. Et dessus au noir charbon mes os Casaire,

Sur la punta de l'espada Portinao. Sur la punta de l'espada Portinao. Portinao, porti giù, porti là, me verà. Arroso Portinao, porti giù, porti là, me verà flu. Sur la punta de l'espada porti way. Sur la punta de l'espada porti way. Porti way, porti giù, porti là, me verà. Arroso porti way, porti giù, porti là, me verà flu. Sur la punta de l'espada porti set. Sur la punta de l'espada porti set. Porti set, porti giù, porti là, mi vera rosa. Porti set, porti giù, porti là, mi vera flu. Sur la punta de l'espada porti chase. Sur la punta de l'espada porti chase. Porti chase, porti giù, porti là, mi vera rosa. Porti chase, porti giù, porti là, mi vera flu. Sulla punta delle spade, porti sink. Sulla punta delle spade, porti sink. Porti sink, porti giù, porti là, mi vera rosa. Porti sink. Porti giù, porti là, mi vera flu. Sulla punta delle spade, porti tre. Sulla punta delle spade, porti tre. Sulla punta delle spade, porti tre. Sulla punta delle spade, porti tre. Porti tre e porti giù, porti là, mi vera rosa. Porti tre e porti giù. Porti la me vera flu, sulla punta delle spade porti duse, sulla punta delle spade porti duse, sulla punta delle spade porti duse, sulla punta delle spade porti duse, porti duse e porti giù, porti la me vera rosa, porti duse e porti giù, porti la me vera flu. Sulla punta delle spade porti sulla punta delle spade porti sulla punta delle spade porti sulla punta delle spade porti porti e porti giù porti la me vera rosa porti e porti giù porti la me vera flu sulla punta delle Seigneur, la trahison est grande. La trahison est grande. Avant qu'il soit vendredi nuit, vous voilez mon corps prendre à Jésus. Vous voilez mon corps prendre. Vous voilez mon côté passé du fer. Aussi la poule blanche, oh Jésus, aussi la poule blanche. Vous voirez les étoiles tomber, les pierres, les cailloux fendre. Les pierres, les cailloux fendent. Vous voirez la mer surmontée au-dessus des montagnes, oh Jésus. Au-dessus des montagnes. Vous attendrez qu'ils crieront en vengeance, oh Jésus, qu'ils crieront en vengeance. Vengeance ici, vengeance là, c'est le sauveur du monde, oh Jésus, c'est le